Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 1er, consubstantialité des personnes divines. Chapitre 4, quelle est sur la Sainte Trinité l'enseignement de l'Église? Tous les interprètes de nos livres sacrés, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau que j'ai lu, et qui ont écrit sur la Trinité, le Dieu unique et véritable, se sont accordés à prouver par l'enseignement des Écritures que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un en unité de nature, ou de substance, et parfaitement égaux entre eux. Ainsi ce ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Ainsi encore le Père a engendré le Fils, en sorte que le Fils n'est point le Père, et de même le Père n'est point le Fils, puisqu'il l'a engendré. Quant à l'Esprit Saint, il n'est ni le Père, ni le Fils, mais l'Esprit du Père et du Fils, égal au Père et au Fils, et complétant l'unité de la Trinité. C'est le Fils seul, et non la Trinité entière, qui est né de la Vierge Marie, a été crucifié sous Ponce Pilate, a été enseveli, et ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. C'est également le Saint-Esprit seul qui, au baptême de Jésus-Christ, descendit sur lui en forme de colombe, qui après l'Ascension, et le jour de la Pentecôte, s'annonça par un grand bruit venant du ciel et pareil à un vent violent, et qui se partageant en langue de feu, se reposa sur chacun des apôtres, Matthieu 3, 16, Actes des Apôtres 2, 2 à 4. Enfin c'est le Père seul et non la Trinité entière qui se fit entendre soit au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, soit sur la montagne en présence des trois disciples, lorsque cette parole fut prononcée, « Vous êtes mon Fils ». Et également ce fut la voix du Père qui retentit dans le temple, et qui dit, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Marc 1, 11. Néanmoins comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont inséparables en unité de nature, toute action extérieure leur est commune. Telle est ma croyance, parce que telle est la foi catholique. Chapitre 5. Comment trois personnes ne font-elles qu'un seul Dieu? Mais ici quelques-uns se troublent, quand on leur dit qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que ces trois personnes ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu. Aussi demande-t-elle comment on peut comprendre un tel langage, surtout si vous ajoutez que toute action extérieure est commune à la Trinité entière, et que néanmoins la voix du Père qui s'est fait entendre, n'est pas la voix du Fils, que l'incarnation n'appartient qu'au Fils qui a pris une chair, qui a souffert, qui est ressuscité et qui est monté au ciel, et que seul l'Esprit Saint s'est montré sous la forme d'une colombe. Ces esprits curieux veulent donc comprendre comment la Trinité entière a pu parler par cette voix qui n'est que la voix du Père, comment encore cette même Trinité a créé la chair que le Fils seul a prise dans le sein d'une Vierge, et enfin comment cette colombe sous laquelle se montra seul l'Esprit Saint a été l'œuvre de toute la Trinité. Car autrement, la Trinité n'agirait pas inséparablement, et le Père serait une chose, le Fils une autre, et l'Esprit Saint une autre. Si au contraire certaines actions sont communes aux trois personnes, et certaines autres propres seulement à chacune d'elles, l'on ne peut plus dire que la Trinité agisse inséparablement. Il se tourmente encore pour savoir comment l'Esprit Saint fait partie essentielle de la Trinité, puisqu'il n'est engendré ni du Père, ni du Fils, quoiqu'il soit l'Esprit du Père et du Fils. Telles sont les questions dont quelques personnes me poursuivent à satiété. C'est pourquoi je vais essayer de leur répondre, Autant que la grâce divine suppléera à mon impuissance, et en évitant de suivre les sentiers d'une jalouse et maligne critique, Sagesse, 6, 25, je disais que jamais je ne me préoccupe de ces mystérieuses questions, je mentirais. J'avoue donc que j'y réfléchis souvent, parce que j'aime en toute chose à découvrir la vérité, et d'un autre côté la charité me presse de communiquer à mes frères le résultat de mes réflexions. Ce n'est point que j'ai atteint le terme, ou que je sois déjà parfait, car si l'apôtre saint Paul n'osait se rendre ce témoignage, pourrais-je le faire, moi qui suis si éloigné de lui? Mais oubliant, selon ma faiblesse, ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant moi, je m'efforce d'atteindre le but pour remporter le prix de la céleste vocation. Philippiens 3, 12, 14. Quelle distance ai-je donc parcouru dans cette route? À quel point suis-je arrivé? Et quel espace me reste-t-il encore à franchir? Voilà les questions auxquelles on désire une réponse nette et précise. Puis-je la refuser à ceux qui la sollicitent, et dont la charité me rend l'humble serviteur? Mais je prie aussi le Seigneur de faire qu'en voulant instruire mes frères, je ne néglige point ma propre perfection, et qu'en répondant à leurs questions, je trouve moi-même la solution de tous mes doutes. J'entreprends donc ce traité par l'ordre et avec le secours du Seigneur notre Dieu, et je me propose bien moins d'y soutenir d'un ton magistral des vérités déjà connues, que d'approfondir ces mêmes vérités en les examinant avec une religieuse piété. Esprit Saint, définition du site Église catholique FR. Les chrétiens prient l'Esprit Saint et le reconnaissent comme la troisième personne de la Trinité. Le Christ annonce dans l'Évangile le don de l'Esprit, expression de l'amour du Père et du Fils. Dans la tradition spirituelle, l'Esprit Saint est source de liberté et d'intelligence de la foi. Les paroles de Dieu sont esprit et vie et c'est pourquoi elles ne peuvent se transmettre et s'accueillir que dans l'Esprit. L'Esprit Saint nous fait entrer, vivre, communier à l'amour même de Dieu. Trinité, c'est la réalité mystérieuse d'un seul Dieu dans l'unité d'amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est par l'enseignement et la vie de Jésus que les chrétiens ont pu comprendre la profondeur de cette révélation. Chapitre 6. Consubstantialité des trois personnes. Quelques-uns ont dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, ou qu'il n'était pas vrai Dieu, ou qu'il n'était pas avec le Père un seul et même Dieu, ou qu'il n'était pas réellement immortel parce qu'il était sujet au changement. Mais il suffit pour les réfuter de leur opposer les témoignages évidents et unanimes de nos saintes Écritures. Ainsi saint Jean nous dit, qu'au commencement était le Verbe, que le Verbe était avec Dieu, et que le Verbe était Dieu. Or l'on ne peut nier que nous ne reconnaissions en ce Verbe qui est Dieu, le Fils unique de Dieu, celui dont le même évangéliste dit ensuite, qu'il s'est fait chair, et qu'il a habité parmi nous. Ce qui arriva lorsque par l'incarnation le Fils de Dieu naquit dans le temps de la Vierge Marie. Observons aussi que dans ce passage, saint Jean ne déclare pas seulement que le Verbe est Dieu, mais encore qu'il affirme sa consubstantialité avec le Père. Car après avoir dit que le Verbe était Dieu, il ajoute qu'au commencement il était avec Dieu, que toutes choses ont été faites par lui, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 14, 2, 3. Or, quand l'évangéliste dit que tout a été fait par le Verbe, il entend évidemment parler de tout ce qui a été créé, et nous en tirons cette rigoureuse conséquence que le Verbe lui-même n'a pas été fait par celui qui a fait toute chose. Mais s'il n'a pas été fait, Il n'est donc pas créature, et s'il n'est pas créature, il est donc de la même substance ou nature que le Père. Et en effet, tout ce qui existe est créature, s'il n'est Dieu, et tout ce qui n'est pas créature est Dieu. De plus, si le Fils n'est pas consubstantiel au Père, il a donc été créé. Mais s'il a été créé, tout n'a donc pas été fait par lui. Et cependant l'évangéliste nous assure que tout a été fait par lui. Concluons donc que le Fils est de la même substance ou nature que le Père, et que non seulement il est Dieu, mais le vrai Dieu. C'est ce que saint Jean nous atteste expressément dans sa première épître. Nous savons, dit-il, que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence, afin que nous connaissions le vrai Dieu, et que nous vivions en son vrai Fils qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Nous pouvons également affirmer que l'apôtre saint Paul parlait de la Trinité entière, et non du Père exclusivement, lorsqu'il disait que Dieu seul possède l'immortalité. 1 Timothée 6, 16. Et, en effet, l'être éternel ne saurait être soumis ni au changement, ni à la mortalité, et par conséquent, dès là que le Fils de Dieu est la vie éternelle, on ne doit point le séparer du Père quand on dit que celui-ci possède seul l'immortalité. C'est aussi parce que l'homme entre en participation de cette vie éternelle qu'il devient lui-même immortel. Mais il y a une distance infinie entre celui qui est par essence la vie éternelle et l'homme qui n'est immortel qu'accidentellement et parce qu'il participe à cette vie. Bien plus, ce serait une erreur d'entendre séparément du Fils et à l'exclusion du Père ces autres paroles du même apôtre. Il le fera paraître en son temps, celui qui est souverainement heureux, le seul puissant, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Nous voyons, en effet, que le Fils lui-même parlant au nom de la sagesse, car il est la sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24, ne se sépare point du Père, quand il dit, seul. J'ai parcouru le cercle des cieux, Ecclésiaste 24, 8. À plus forte raison, il n'est point nécessaire de rapporter exclusivement au Père et en dehors du Fils, ce mot de l'apôtre, qui seul possède l'immortalité. D'ailleurs, l'ensemble du passage s'y oppose. Je vous commande, dit saint Paul à Timothée, d'observer les préceptes que je vous donne, vous conservant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ que doit faire paraître, en son temps, celui qui est souverainement heureux, le seul puissant, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a pu ni ne peut voir, et à qui est l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 6, 14, 15, 16. Remarquez bien que dans ce passage l'apôtre ne désigne personnellement ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit Saint, et qu'il caractérise le seul vrai Dieu, c'est-à-dire la Trinité tout entière par ces mots, celui qui est souverainement heureux, le seul puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais peut-être vous troublez-vous, parce que vous saisissez difficilement ce mot de l'apôtre, qu'aucun homme n'a pu, ni ne peut voir. Rassurez-vous, il s'agit ici de la divinité de Jésus-Christ. Et en effet, les Juifs qui ne pouvaient voir en lui le Dieu, ne laissèrent pas de crucifier l'homme qu'ils voyaient. c'est qu'un œil mortel ne saurait contempler l'essence divine, et qu'elle n'est aperçue que de l'homme qui s'est élevé au-dessus de l'humanité. Nous avons donc raison de rapporter à la Sainte Trinité ces paroles, « Le Dieu souverainement heureux et seul puissant, qui fera paraître en son temps notre Seigneur Jésus-Christ. » D'ailleurs, si l'apôtre dit ici que ce Dieu possède seul l'immortalité, le psalmiste n'avait-il pas dit que seul il opère des prodiges? Psaume 71, 18. Et maintenant je demanderai à mes adversaires de qui ils entendent cette parole. Du Père seul? Mais alors comment sera-t-elle véritable cette affirmation du Fils? Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. De tous les miracles, le plus grand est certainement la résurrection d'un mort. Eh bien, comme le Père, dit Jésus-Christ, ressuscite les morts et les vivifie, ainsi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Jean 5, 19, 21. Comment donc le Père opérerait-il seul des prodiges? Et comment pourrait-on expliquer autrement ces paroles qu'en les rapportant non au Père seul, ni au Fils, mais au seul vrai Dieu, c'est-à-dire au Père, au Fils et au Saint-Esprit? L'apôtre saint Paul nous dit encore, « Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père d'où procède toute chose, et qui nous a fait pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites, et nous par lui. » Or, je le demande, l'apôtre, comme l'évangéliste, n'affirme-t-il pas que toutes choses ont été faites par le Verbe? Et dans cet autre passage, n'est-ce pas aussi ce même Verbe qu'il désigne évidemment? Tout est de lui, tout est par lui, tout est en lui. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Romains 11, 36. Veut-on, au contraire, reconnaître ici la distinction des personnes, et rapporter au Père ces mots, « Tout est de lui. » Au Fils, ceux-ci, « Tout est par lui. » Et au Saint-Esprit, ces autres, « Tout est en lui. » Il devient manifeste que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, puisque l'apôtre attribue à chacune des trois personnes cette même et unique doxologie, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et en effet, si nous reprenons ce passage de plus haut, nous verrons que l'apôtre ne dit pas, aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la science, du Père, ou du Fils, ou du Saint-Esprit, mais simplement, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements, ajoute-t-il, sont incompréhensibles, et ses voies impénétrables, car qui connaît les desseins de Dieu, ou qui est entré dans le secret de ses conseils, ou qui lui a donné le premier pour en attendre la récompense, car tout est de lui, tout est par lui, tout est en lui. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Romains 11, 33 à 36. Mais si vous ne rapportez ces paroles qu'au Père, en soutenant que seul il a fait toutes choses, comme l'apôtre l'affirme ici, je vous demanderai de les concilier avec ce passage de l'Épître aux Corinthiens, où, parlant du Fils, saint Paul dit, « Nous n'avons qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites, et avec ce témoignage de l'évangéliste saint Jean, toutes choses ont été faites par le Verbe. » 1 Corinthiens 3, 6, Jean 1, 2. Et, en effet, supposons que certaines choses aient été faites par le Père, et d'autres par le Fils, il faudra en conclure que ni l'un ni l'autre n'ont fait toutes choses. Admettez-vous, au contraire, que toutes choses ont été faites ensemble par le Père et par le Fils, vous en déduirez l'égalité du Père et du Fils, et la simultanéité des opérations du Père et du Fils. Pressons encore cet argument. Si le Père a fait le Fils qui lui-même n'a pas fait le Père, il n'est plus vrai que le Fils ait fait toute chose. Et cependant tout a été fait par le Fils donc il n'a pas été fait lui-même, autrement il n'aurait pas fait avec le Père tout ce qui a été fait. Au reste, le mot lui-même se rencontre sous la plume de l'apôtre, car dans l'épître aux Philippiens, il dit nettement que le Verbe ayant la nature de Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu. Philippiens 2, 6. Ici saint Paul donne expressément au Père le nom de Dieu, ainsi que dans cet autre passage, Dieu est le chef de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, 3. Quant au Saint-Esprit, ceux qui avant moi ont écrit sur ces matières ont également réuni d'abondants témoignages pour prouver qu'il est Dieu et non créature. Mais s'il n'est pas créature, il est non seulement Dieu dans le même sens que quelques hommes sont appelés Dieu. Psaume 81, 6. Mais il est réellement le vrai Dieu. D'où je conclus qu'il est entièrement égal au Père et au Fils, consubstantiel au Père et au Fils, coéternel avec eux, et complétant l'unité de la nature dans la Trinité des personnes. D'ailleurs, le texte des Saintes Écritures qui atteste le plus évidemment que le Saint-Esprit n'est pas créature, est ce passage de l'Épître aux Romains, où l'apôtre nous ordonne de servir non la créature, mais le Créateur. Romains 1, 24. Et ici saint Paul n'entend pas nous prescrire ce service que la charité nous recommande envers tous nos frères, et que les Grecs nomment culte de Duli, mais il veut que ce soit ce culte qui n'est dû qu'à Dieu seul, et que les Grecs appellent culte de l'atrie. Aussi regardons-nous comme idolâtres tous ceux qui rendent aux idoles ce culte de l'atrie, car c'est à ce culte que se rapporte ce précepte du Décalogue. Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. Deutéronome 6, 13. Au reste, le texte grec lève ici toute difficulté, car il porte expressément « et vous lui rendrez le culte de l'atrie ». Or, si nous ne pouvons rendre à une créature ce culte de l'atrie, parce que le Décalogue nous dit « vous adorerez le Seigneur, votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul », et si l'apôtre condamne ceux qui ont servi la créature plutôt que le Créateur, nous sommes en droit de conclure que le Saint-Esprit n'est pas une créature, puisque tous les chrétiens l'adorent et le servent. Et en effet, saint Paul dit que nous ne sommes point soumis à la circoncision, parce que nous servons l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, selon le terme grec, que nous lui rendons le culte de l'atrie. Philippiens 3, 3. Telle est la leçon que donnent tous ou presque tous les manuscrits grecs, et qui se trouve également dans plusieurs exemplaires latins. Quelques-uns cependant portent « Nous servons Dieu en esprit, au lieu de lire, nous servons l'Esprit de Dieu. » C'est pourquoi, sans me préoccuper de prouver à mes adversaires l'authenticité d'un texte dont ils récusent la valeur, je leur demanderai s'ils ont jamais rencontré la plus légère variante dans ce passage de la première épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu? Mais ne serait-ce point un blasphème et un sacrilège que d'oser dire que le chrétien, membre de Jésus-Christ, est le temple d'une créature inférieure à Jésus-Christ? Or, l'apôtre nous affirme, dans un autre endroit, que nos corps sont les membres de Jésus-Christ. Si donc ces mêmes corps, membres de Jésus-Christ, sont également les temples de l'Esprit-Saint, Celui-ci ne saurait être créature. Et, en effet, dès là que notre corps devient le temple de l'Esprit Saint, nous devons rendre à cet esprit le culte qui n'est dû qu'à Dieu, et que les Grecs nomment culte de l'atrie. Aussi saint Paul a-t-il raison d'ajouter « Glorifiez donc Dieu dans votre corps » 1 Corinthiens 6, 19, 15, 20. Markemdanarchive.org, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.